Daniel Grenier est le dernier rejeton des éditions Le Cartanier. Il signe un premier bouquin qui s'appelle « Malgré tout, on rit à Saint-Henri », qui se trouve être un recueil de nouvelles. Chacune de ces nouvelles est réunie, dans le fond, et liée ensemble par le simple fait qu'elles se déroulent tous dans le quartier historique, voire mythique de Montréal, qui est Saint-Henri. Dans ce recueil de nouvelles-là, on retrouve certains bijoux. J'ai qu'à penser à Mine Générale, qui est peut-être la plus longue des nouvelles du bouquin. Frise la trentaine de pages, et c'est délectable. On part de Saint-Henri pour se ramasser dans le fin fond du Brésil et revenir encore à Saint-Henri pour la toute fin de la nouvelle. Je suis pas ici pour vous décrire chacune de ces nouvelles. Le plaisir est justement là de les découvrir une à une et de découvrir chacune des parcelles du quartier que Grenier veut bien nous laisser voir. Toutefois, faut souligner à quel point l'écriture de Grenier est légère et juste à la fois. Quelquefois un peu perverse, voire voyeur, si je pense à ces séries de nouvelles qui s'intitulent Errance, où est-ce qu'il nous raconte ces mendiants, et il nous décrit ces joueurs de musique, de métro, et il nous les raconte sous un ton tellement intimiste que j'étais avec lui dans le métro et je les voyais, ces mendiants, car on les a tous vus. Qu'on se soit un temps soit peu promené à Montréal, c'est une réalité que Grenier décrit très bien. Certaines fois, il y a même des aspects de faux documentaires dans ces nouvelles-là. On découvre vraiment Saint-Henri d'un tout nouvel angle et qui est, ma foi, assez intéressant. À travers les nouvelles qui s'intitulent Errance, soit Portrait ou encore les géniaux entendus à Saint-Henri. Ce recueil de nouvelles-là est un très, très bon premier roman pour Grenier. Les pages tournent tout seules. C'est vraiment une lecture sympathique, une lecture d'été. Et définitivement, l'une de mes suggestions pour les mois à venir en librairie.